Le mort-vivant par Georges Grison. Chapitre 1er. Macabre surprise. Vous désirez, monsieur? Mon acte de naissance pour pouvoir me marier. Bon, à quel nom? Louis-Antoine Allègre. La date de naissance? Le 5 octobre 1852. Asseyez-vous et attendez. Ce dialogue avait lieu un après-midi de novembre 1881. Dans le bureau de l'état civil de Vilaine, entre le secrétaire de la mairie et un grand, gros, fort garçon à la figure réjouie et qui répondait bien au nom d'Allègre qu'il portait. « Voilà, » dit-il en prenant une chaise, « je suis voyageur de commerce. C'est un métier un peu fatigant. Toujours en chemin de fer et dès qu'on descend de wagon, c'est pour courir chez les clients qui vous reçoivent comme un chien dans un jeu de quilles. Alors j'ai trouvé une bonne affaire, une jeune fille de 20 ans, Mademoiselle Germaine Desmar, dont le père est marchand mercier au Batignolles. Elle est gentille, aimable, bonne ménagère. Elle me plaît et je ne lui déplais pas. Le papa va nous céder sa boutique. Moi, j'ai quelques sous d'économie. Nous vivrons comme deux tourtereaux. » Le secrétaire feuilletait ses registres sans répondre à ce verbiage. « J'aurais bien pu vous écrire, » continua Allègre, « mais ça aurait demandé plus de temps. Comme il fait beau, je me suis dit que ça me ferait une jolie promenade. » Et puis je ne suis pas fâché de revoir le pays où je suis né, ces bords de la Seine où j'ai gaminé dans ma jeunesse. Figurez-vous qu'un jour j'étais allé à la pêche sur le petit bras. » Une exclamation du secrétaire l'interrompit. « Et qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il. « C'est bien l'acte de naissance d'Allègre Louis-Antoine. Parfaitement. Né le 5 octobre. Eh bien oui, après. Donnez-moi une copie de l'acte pour une publication de mariage. » « Je veux bien vous délivrer une copie de l'acte, mais ça ne pourra pas servir pour un mariage, parce que... »« Parce que quoi ?»« Parce qu'Allègre Louis-Antoine est mort. » Le gros garçon bondit. « Mort ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Je vous chante la vérité. Je suis mort, moi. »« Je ne vous dis pas que vous êtes mort. Je vous parle de Louis-Antoine Allègre. »« Eh bien, Louis-Antoine Allègre, sacrebleu, c'est moi. »« Alors vous êtes mort. Que voulez-vous que je vous dise ?» fit l'employé impatienté. « Regardez plutôt. » Il lui présenta le registre. Avec une véritable stupéfaction, le gros garçon, dont la figure était devenue pourpre de colère, lut en marge de la mention de sa naissance une autre mention indiquant le décès de Louis-Antoine Allègre le 13 juin 1876 à Meudon. « Ça, c'est un peu fort !» s'exclama-t-il. « Vous voyez bien que je ne vous mens pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais pas plus que vous, mais un acte est un acte, il n'y a pas à les comptes. Comment il n'y a pas à les comptes ? « Vous en avez de bonnes, vous ? Alors il faut que je me résigne à être mort, dame. Et mon mariage ? Écoutez, dit le secrétaire, tout ça ne me regarde pas. J'ai autre chose à faire. Voulez-vous l'acte tel qu'il est, oui ou non ? L'acte qui dit que je suis mort, bien entendu. Ah non, par exemple. Ou plutôt, oui, donnez-le-moi. Il m'aidera à savoir qui m'a fait cette mauvaise plaisanterie. Bien, attendez. » Le secrétaire fit une copie de l'acte de naissance avec, bien entendu, la mention du décès, le signa pour certification, y apposa le cachet de la mairie et le remit à Allègre, contre la somme de 2 francs 75 centimes. « 35 sous pour ma naissance et autant pour mon décès, ce n'est vraiment pas trop cher, » dit le voyageur de commerce qui avait repris sa bonne humeur. « À présent, nous allons voir un peu de quoi il retourne. » Il salua, et ne pensant plus à aller revoir les bords de la Seine, il courut prendre le train pour rentrer à Paris.